Lining, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Attends un petit peu, là, je suis coincé dans mes fils. Je te reviens, OK? Ne me quitte pas. Version Jacques Brel, s'il vous plaît. Comme ça ici. Comme ça ici. Oui. Peut-être monter. Oui, on s'ajuste. Non, c'est excusez-moi, c'est quoi? C'est Noilly? Oh, Lainey, excuse-moi, Lainey. OK, alors là, est-ce que je peux monter ici là, pour. Lainey, tu m'entends? Bon, c'est Rénal. Je me prénomme Rénal. J'ai aussi un nom, c'est Gagné. Rénal Gagné, j'ai rien gagné dans ma vie sauf la chance de te rencontrer, Lainey, peut-être. J'aimerais t'inviter à dîner si c'est possible pour toi. Je trouve que tu as une voix très. Très intéressante. Écoute, moi, je suis un gars de la radio, là, donc je connais les voix, puis même les voix qui m'apparaissent dans la tête. Mais ne t'en fais pas, je ne suis pas de ces êtres un peu fanfarons ou avec des problèmes au ciboulot. Ben, pas encore, là. Si je te rencontre jamais, Lainey, je crois que je vais devenir fou. Mais pour le moment, tout va bien. À chaque fois que j'ouvre mon mixeur pour préparer mon émission, tu me susurres à l'oreille, Lainey. Et je présume que c'est ton nom. Je suis un perspicace, un gagné perspicace, Rénal gagné perspicace. Bon, là, avant de parler d'âge, on n'est pas encore rendu à ce moment-là. Si tu veux, on pourrait déjà là prendre rendez-vous. Pour soit une bière ou manger. J'aimerais bien manger avec toi. Et puis, ben, on verra ce que la journée nous réserve. Aller marcher aussi, hein, c'est bien. Nous sommes rendus au 7 août. Hein, ça sent l'automne. Et puis, l'été est passé, mais pas encore. Hein. Il y a quand même des soubresauts de chaleur. Et peut-être que notre liaison pourra, elle aussi, bouillir, hein, et même se chauffer, se réchauffer à notre amour. Mais là, on ne se connaît pas encore, donc je ne vais pas partir là, dans mes prouesses et surtout mes fabulations poétiques. Donc, Lainey, écoute, j'attends ton appel. Je vais te laisser mon numéro de téléphone. Est-ce que tu veux prendre ton crayon puis un crayon et un papier? Lainey? Lainey? Bon, en tout cas, si tu m'entends, là, je vais te laisser mon numéro. C'est dans le code régional, parce qu'à Québec, là, il y a beaucoup de chiffres, là. 418. Oui. Deux. Quand va se. Il n'y a pas d'extension. Il n'y a pas de. Non, non, c'est. Je devrais répondre. Alors, 418. Non, c'est. Non, c'est. OK. Alors, j'attends ton appel, Aini, puis écoute, la vie, on ne sait pas hein, ce que la vie nous réserve. C'est tout, là, ça pourrait être une fusion d'amour entre toi et moi, Aini. Je sais pas, là, y a ta petite voix, puis y a un accent, là. Y a un bel accent qui me plaît. Moi, les gens qui ont une voix là, qui annonce un pays, qui annonce l'intelligence là, d'une société, ça me plaît, ça me plaît. Alors, écoute, Lani, je n'irai pas plus loin et j'attendrai ton appel, OK? Merci. À plus. Gêne-toi pas. Oh, Lani. Aujourd'hui, à mon nom. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Attends, oh, le son est trop fort là. Aujourd'hui, le lundi 7 août 2023. Monte le volume et la différence, car c'est parti, mon Kiki Lainey, c'est pour nous la vie. Ok, je t'aime. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Avec tout ça, Parce que, écoutez, le cœur, hein, le cœur, il tâtonne, il suit pas, ni braconne, il va tonner. Laini, laini, laini, quel que soit le nom qu'on leur donne, qu'elles soient petites ou grandes, cheveux raides ou frisées, j'ai toute envie de les embrasser. Mais surtout Laini. Parce que Laini, je suis fidèle. Pour toi, je serai fidèle. Je te créerai une ritournelle que je te chanterai dans les oreilles. Laini, Laini, Laini. Et voilà. Voulez-vous? Ah, que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Hein, comment ça va, vous autres? J'ai pas commencé la musicalité n'a pas été entreprise. Donc, vos oreilles ne vous ont pas califourchoté. Parce que quand ça lui. Hein, est-ce que ça vous arrive que votre oui se califourchote? Dans le fond. Ouais, non, c'est la redingote, madame. Ça califourchote dans le fond de la redingote. C'est comme ça. On peut pas faire autrement. Et puis là, ça me dérange un peu, ça, là. Ben beau, parler fort, chanter fort, comment ça que ça monte pas dans le rouge? Pas mon compte de banque, mais le son ici, là. Ça a été mal. OK, parfait. Là, j'aime ça. Ici, c'est un peu moins. C'est un peu moins. OK, oui. 1, 2, 10, 4, Roger. 10, 4, Roger. Liney, c'est pour la vie, OK? On fera pas toute l'émission là-dessus, là. Mais moi, là, quand je porte quelque chose, là. Surtout personnel, tu sais, la vie personnelle. La vie, c'est pas, ça peut être public, la vie publique. Toi, homme de radio, que tout le monde réclame, là, en mangeant leurs céréales. Tu sais, les céréales qui ont des lettres alphabétiques, là. Ils écrivent ton nom, Errance Rénaldienne, ton émission, Rénal Gagné. On est mêlés, là, hein? Ton nom, c'est Rénal Gagné, mais ton émission, c'est Errance Rénaldienne. Ils mangent, ils écrivent ça avec leurs céréales là, en forme d'alphabet. Et tu es heureux. C'est bien ça. Le bonheur, ça n'est de pas grand-chose pour atteindre un cœur qui est prêt à tout aimer. Et comme je le mentionne régulièrement, on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Et c'est tant mieux. L'âme haït souvent. Hein? L'âme, quelle grossièreté cette âme! Dépendant de celle que l'on côtoie. Bon, là, j'ai oublié de faire mon ouverture avec une petite poésie là, que j'ai écrite de mon cru le 2 juin 2019. Ça a été acclamé par Franck Mas, Pierre Bilodeau et bien d'autres. Et bien d'autres, là, m'écrivent souvent. Et je réponds régulièrement. Ouais. Donc, à chaque fois que vous m'écrivez, je vous réponds. Hein. Saviez-vous ça? Je réponds. Ah oui. Je prends le clavier, je prends mes 10 doigts de la main. Et si je veux aller plus rapidement, parce que moi, là, quand j'écris, c'est un flux de mots. Donc, je prends mes 10 doigts et mes 10 doigts de pied également. Donc, c'est 20 doigts qui se trouvent sur un clavier qui n'a pas si de touches que ça, mais qui aime bien se faire toucher. Des touches qui n'aiment pas se faire toucher, là, c'est pas des touches, là. Voyons donc. As-tu déjà vu, as-tu déjà acheté, toi, un clavier qui n'aime pas se faire toucher? Là, je parle des claviers, là. Puis pas du comédien, là. Connaissez-vous le comédien, clavier? Fait de l'humour aussi. Il a décidé de partir pour pas payer trop d'impôts en France. Ah, et lui, c'est un Daniel. C'est comme c'est le Belmondo. Hey, Jean-Paul. Que Dieu ait ton âme et qu'il lâche la mienne. Non, c'est comme Depardieu. Il a décidé de partir en Russie. Il connaît la voix de gars. Ah, mais clavier, lui. Mais ils ont peut-être raison. Là. Soyez pas trop gourmands, là, les politiciens, là, les gouvernements. Ben beau qu'ils gagnent des millions. Mais faut bien qu'ils en laissent aux enfants, puis aux petits-enfants, puis aux maîtresses, puis aux femmes qu'ils ont eues dans leur vie. Pension alimentaire, là, quand t'étais comédien, comédienne, chanteur, chanteuse, mais surtout comédien, chanteur. C'est rare que les femmes payent des. C'est rare que. Ça, dans, en tout cas, moi, je suis pas trop renseigné là-dessus. Ben, si t'es pas renseigné, parle-donc pas. Non, non, mais je lance des phrases, madame. Madame. Restez calme. Bon. Je me suis pas fâché après vous. Non, mais tu dis que des anecdotes. Tu connais même pas ton dossier. Mais mon dossier, j'ai pas de dossier, moi là. Même à l'hôpital, j'ai pas de dossier. Puis même si ma chaise, j'ai pas de dossier. Moi, je reste le doigt. Je reste le dos. Le dos, je m'appuie pas le dos. J'ai le dos. Le dos droit. Dos droit, espace D-R-O-I-T. Faites-moi pas fâcher avant de l'émission, mais non, moi je suis un gars très calme. Je tiens à dire à Lainey, là, non, que je suis pas violent du tout. Mais quand il y a on peut dire des imbéciles qui captent pas, là, tu sais, t'es obligé de répéter, je suis très dépendant. Si je vois du côté qui est le récepteur, tu sais, parce que en communication, c'est pas compliqué, il y a deux personnes, l'émetteur, le récepteur. Ça, c'est élémentaire. Même si t'es pas détective, comme Sherlock Holmes. OK? Discussion, émetteur, récepteur. Après ça, il y a autre chose, là, le feedback. Puis c'est pas important, là, c'est émetteur, récepteur. Bon, quand tu vois que le récepteur a de la difficulté à comprendre. Et dépendant de sa réaction, tu te rends compte que c'est pas de sa faute. Là, je suis très calme, très posé. Je change de mots, je trouve des synonymes, j'améliore la façon de raconter. Je peux rencontrer pendant des heures et des heures. Mais si je vois que c'est juste pour te titiller et te faire... Donc, on dit chez nous, se faire niaiser, là. Se faire en... Hein? Non, mais... Ouais, nous pomper le rompeux, tu sais. Ça n'existe pas comme... Non, ça vient d'être dit, là. Moi, quand ça me pompe le rompeux, là, ben, bouge pas du fromage, moi. Parce que du fromage, là, quand tu le rompes, là, il s'émiette. Mais quoi que je ressemble un peu à ça, moi. Même beaucoup à ça, là. Moi, là, quand tu m'y vas, là, t'sais, quand je vois l'innocence qui se pointe au galop, là, puis je le sens, puis je le vois, puis je suis pas tout seul, sans doute, là. Mais des fois, je me dis que, moi, j'ai peut-être le radar un peu trop rapide. Mais on les voit, les gens qui essayent de comprendre, puis ceux qui sont imbéciles, puis qui juste veulent te faire parler pour parler, puis, hein, qui veulent te mettre à l'épreuve. Bon. C'est juste ça. En ce 7 août 2023, nous allons maintenant à quelque chose de très important parce qu'on dit que ça adoucit les mœurs. Bon. Donc, une petite plage musicale. Dites-moi oui. Oui. C'est comme quand on prend des photos, hein? Oui. Je sais pas pourquoi on doit dire un mot en anglais pour sourire. Là. Tu dis oui. Pourquoi dire fromage en anglais? Mieux que ta bouche, mieux que tes lèvres, tes omoplates, tes yeux. Mieux que ton coude à ma fenêtre, non, Dieu n'a pas trouvé mieux. Mieux que l'agneau, que la belette, ou que tes poignets gracieux. Que le sillage d'une haie, non, Dieu n'a pas trouvé mieux. Mieux qu'une brume qui se lève, mieux que le renard peureux, mieux que le fruit, mieux que son zeste, que de passer aux aveux. Mieux que le goût de la noisette, mieux que de rêver à deux. Que tes lettres à l'encre violette. Non, Dieu n'a pas trouvé mieux. Des cieux, mieux que le timon, que l'arrêt de l'imbécile heureux, que toi pour me laisser en reste. Non, Dieu n'a pas trouvé mieux. Merci, merci mon ami Jean-Louis Murat. Voilà, c'était Jean-Louis Murat. J'ai oublié de dire ma phrase du début. Hey, avez-vous remarqué que l'émission ce soir, là, exactement, elle me paraît dissipée. C'est bien, ça fait des bonnes émissions. Oh! À souhaiter que ce soir, on se retrouve devant une transe. Hein, un micro là, qui amène une transe, ça, j'adore ça. Ça fait quelque temps que ça ne m'est pas arrivé. Que ça ne m'est pas... Alors, vas-y, dis-le ta phrase, OK. Faut que je dois pas m'appeler la police, ils vont t'embarquer. Bon. Elle se libère du domaine superficiel pour embrasser, une fois pour toutes, cette belle embouchure qui s'installe sur son piédestal. Mon cœur est grand comme un aéroport. Un grand cœur de putain de croque-mort. Oh, le souffle court, merde, prêt à pleurer. J'ai un chagrin plus fort qu'une armée. Dans quel pays, dans quelle principauté? oseras-tu ton corps, mon adoré? Dis ton cœur et graine-t-il comme un regret? Des jours de neige, des noms d'arbres fruitiers, oh, va-je reconnaître silence radio. Ce silence des reines et des bourreaux. Cœur infidèle, toréador, taureau. Trouve la lune. Saviez-vous que le 2 juin, là, ça fait longtemps, là, mais bon, toi, tu vas nous chercher, là, dans le temps, juin, juillet, ça fait deux mois! Juin, juillet, ou deux mois! Deux mois! Deux beaux mois! Deux mois! Il y a deux mois, il n'y a pas de deux mois! Calme-toi, calme-toi! Je veux simplement faire un lien entre mon anniversaire. Arrête de parler! Non, mais c'est vrai. Mon anniversaire, c'est le 2 juin, puis malheureusement, nous avons perdu un grand Québécois le 2 juin, avec beaucoup d'autres artistes, là, mais celui qui a façonné le Québec à sa manière, M. Jacques Parizeau, est décédé le 2 juin. À quelle année? 2015. Ça fait longtemps, là. Longtemps, longtemps, mais on ne l'oubliera jamais. On ne t'oubliera jamais. Hey, c'est quoi le lien entre le 7 août et le 2 juin 2015? Il n'y en a pas les liens. Les liens, là, on les fait comme on veut, on les fait comme on peut. C'est pas important, même si ça n'a pas d'interrelation. On le dit, on le mentionne, on se souvient que Jacques Parizeau, même si on n'est pas le 2 juin, hein, on est le 7 août. Hey, ça, on le sait, là! Arrête de radoter sur le temps! C'est le début d'un temps nouveau. Et le jour sera sans doute à zéro quand tu vas prendre le moment qui t'est alloué pour faire ce que tu as à faire. Hey, ça veut rien. Hey! Dis pas que ça veut rien. Non, je ne l'ai pas dit. On l'a commencé, mais on ne l'a pas fini. Ça, on appelle ça, en art, du no finito. Ça vient d'Italie. Tu pars quelque chose, c'est surtout dans la glaise. Tu pars quelque chose, tu sais, le visage, le corps, ou un genre de buste, mais tu finis pas le reste. C'est un style, c'est un genre. Et vous, mes amis, même après 24 minutes d'émission, je tiens à vous dire comment se porte votre vie? Comment se supporte votre compagnon, votre compagne? Hein, votre vie de couple? Ou votre vie de solitaire? Choisie ou non choisie? Moi, ça veut vous dire que langue put, pin put, pot put, put put, pit put. Non, c'est pas pitbull. Non, attendez un peu, on va savoir c'est qui. Êtes-vous prêts? C'est Lightning. Ah. Oh, Lightning, je vais m'endormir ce soir, là. en caressant le souhait de rencontrer l'aîné. Mais sinon, comment ça se passe? Votre été, vous êtes heureux? Bon, vous réfléchissez à la fin de temps ensoleillé, mais faites-vous-en pas. Il y en a des belles journées en automne. Puis même, ça peut embrasser l'été indien. Quand ça embrasse, on peut même souhaiter ou demander que la langue y pénètre. Avez-vous vu ça? Un French kiss d'été indien? Avec l'automne qui arrive, mais qui s'éloigne un peu. Mais là, comme l'été indien a la langue longue, il peut aller la chercher. Là. La tourner à la française. Et on appelle ça des French kiss. On le fait-tu avec oui? On appelle ça des French kiss. Hein, vous n'avez jamais vu ça de même? Vous n'avez jamais cru entendre vivre un French kiss de l'été indien? C'est même pas Joe Dassin qui chante ça, là. C'est Rénal Gagné par sa bouche. Pas d'égout, mais sa bouche qui a beaucoup de goût. Qui n'est pas d'égout, mais qui a beaucoup de goût. Beaucoup de goût, beaucoup de goût. Ah, beaucoup de goût. Ça a du goût, sa bouche-là. Ah, au début, quand j'étais petit, j'avais pas vraiment de goût, hein. Je mangeais la même chose. Je voulais pas tâter d'autres saveurs, d'autres textures, d'autres couleurs. Oui, c'est ça, parce que, hey, on te dit, les cuisiniers le savent très bien, qu'on mange avec les yeux avant de prendre notre bouche. Fait que moi, c'était les mets. Puis c'était assez cyclique. Hein? Le lundi, c'était ça. Quand je te parle de mon enfance, là, c'est que tu es encore attaché à la cuisine de ta mère. Ma mère était prête. Le lundi, c'était ça. Le mardi, c'était ça. Le mercredi, là, c'était du saucisson cuit avec des patates. J'haïssais ça, puis j'haïssais encore. Quoique, j'en mangerais pour savoir si mon cœur pourrait se rallier à remanger ces mets qui me répugnaient quand j'étais. Mais répugnaient, c'est peut-être exagéré, mais qui me dérangeaient. Parce que pourquoi pas manger du spaghetti le vendredi? Pourquoi spaghetti toujours le mardi? Mais là, aujourd'hui, moi, j'ai pas rien à dire parce que du spaghetti, j'en mange à tous les jours. Bien, pour être honnête, facilement 5 fois par jour. Donc, les 2 autres journées, mais c'est rare. Souvent, c'est 6. Je peux oublier une journée, là, mais c'est les fins de semaine. La semaine, du lundi au vendredi, dis-toi une affaire, Rénal Gagné, mange son spaghetti. Puis là, vous dites, voyons donc, c'est répétitif, pas du tout. Parce que ça peut être avec de la crème tomate, du jus de légumes, du jus de tomate, mais ça, c'est rare, le jus de tomate. Là. J'ai été 5 ans sans manger du jus de tomate avec du spaghetti. Jus de tomate ou mes sauces à spaghetti, ce que je fais moi-même. Oh, mais moi, c'est pas du spaghetti que je mange, excusez-moi de parler tout le temps de ça, mais c'est du vermicelle. Pourquoi? Parce que je suis à risque d'étouffement. Je m'étouffe de pas grand-chose, moi. Ah oui, je m'étouffe. Et je suis... Puis, une fois que tu as fini de t'étouffer, là, t'es tellement fatigué après, c'est comme le rhume des foins, tu sais, t'es un éternuement, là. C'est mitraille, oui, une mitraillette d'éternuement. Quand c'est une mitraillette, là, c'est une répétition de, hein, bon. Et, non, mais je voulais pas, Madame Tremblay, je voulais pas rire de vous, là. Je voulais juste souligner que ça veut dire qu'on fait ça plusieurs fois. Comme manger du spaghetti, bon, mais c'est pas vraiment une mitraillette, parce qu'une mitraillette, il faut que ce soit dans le temps. C'est dans la temporalité rapprochée. Pas jour après jour, disons seconde après seconde. Là. Bon, millième de seconde, tu peux mettre ça aussi avec. Là, c'est dans la même veine. Mais là, comment trouver la veine? Moi, je suis pas très fort sur la piqûre, puis encore moins sur la prise de sang. La prise de sang, hey, quand tu vois la scène de ça, Tu dis, voyons donc, tu sais, il va me péter la veine pour un jeune. Elle, parce que c'est une infirmière, règle générale, c'est une infirmière que j'ai moi-même choisie. Mais à ce que je me souvienne, là, dans ma vie, à l'âge que j'ai eu on m'a extirpé deux fois du sang. Quand même pas beaucoup, hein? Ça prouve que je vais souvent à l'hôpital. Jamais. Pour les autres, oui, mais pas pour moi. Moi, j'ai toujours dit, monsieur, madame, mademoiselle et les autres, ne vous en faites pas. Moi, c'est pas l'ambulance qui sera à la porte de chez moi. Non, ce sera le le funérarium, en tout cas le camion qui amène les corps morts. Quoique, depuis quelques années, je suis tout à fait vivant. Un corbillard? Non, le corbillard, ça c'est après. Trompez-vous pas, là. Le fourgon funéraire, ça aussi. Mais tu peux, en tout cas, c'est, vous savez, le petit camion qui amène une dépouille pour ensuite l'envoyer à un embaumeur ou quelqu'un qui va s'en occuper. C'est de cette chose-là que... ce moyen de locomotion-là que je veux parler sans avoir trouvé le mot. Mais c'est un fourgon. Peut-être funéraire. En tout cas, comme disait ma mère, toi, t'es un fourgon. Mais maman, c'est pas fourgon. Mais non, maman, c'est un bouffon. Astron, maman, fourgon, bouffon. Bouffon. Mangeons ensemble du bon spaghetti. En parlant de bouffon, ah, ça c'est le verbe bouffer. Deuxième du pluriel. Je suis il, nous, vous. Première du pluriel. Je me suis trompé. Ça t'arrive-tu souvent, toi? Oh, moi, chaque seconde. Vive les erreurs. Trompons-nous. Nous sommes des vivants et non pas des machines. Oh, dans mon cas, là. Babille de nourrisson et tes lèvres obstinées me font heureux avec toi, préfère n'importe quoi au fond. Dieu par quel effet papillon, un cœur hérissé de tes sons. Et fièvre dans tes bras, prêt à faire n'importe quoi au fond. Viens ma toute belle canotée, c'est l'été. Nous aurons le ciel à partager. Il y a tant d'étoiles au ciel les nuits d'été. Oui, tant d'étoiles au ciel les nuits d'été. Le secours était attendu, mais l'amour n'est jamais venu. L'amour supérieur, ce nectar dont tu es bien la fleur. Ton cœur est doux comme une laine, ignore-t-il donc tant la flemme. L'orgueil au couteau qui nous déchire le dos. Limonade, tout est glacé, mon aimé. Déjà dans la plaine brûlent les bois, les ronces de la mer. Pour moi, reine des bois, des ronces déjeuner. Brûle-moi, brûle-moi. Brûle-moi. En avant, joli poisson rouge, dans ce pays où rien ne bouge. L'amour est ailleurs, plus de nectar, j'ai arraché la fleur. J'ai pas le bonheur par métier, A, B, C, D. ronces, des bois, des ronces et déjeuner. Reine des bois, des ronces et déjeuner. Brûle-moi. Je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée. Mais oui, on a collé le 2 juin, sur le 2 juin. Mais cette année, en 2023, le 2 juin, mon beau-frère, j'ai voulu faire chanter Renaud avec mon beau. Ça serait une bonne idée, hein? OK, on va écouter une autre chanson et je vais chercher mon ami Renaud. Je vais l'amener par la main parce que c'est mon grand copain, Renaud. Alors merci à du Conquer. Aux entourloupes de la mire, à la Corse profonde et à la gorge profonde. OK, on y va. Puis, je vous reviens avec Renaud, puis mon histoire. Vous allez voir. Mon beau fort. Ah, mon beau fort. En passant, mon beau est à vendre. Mais je vous conseille de le louer parce que, une fois que vous l'avez acheté, vous ne pouvez plus le retourner. Changer de style, oui. Changer de famille. Il faut faire une croix. Mais ça, je ne sais pas. Mon âme aime à jouir. Loin du peloton. Mais je n'aime plus son. Ce bruit de bourdon. Tu ne crois pas si bien dit. Oui, c'est comme au cinéma. Mais passé l'an demi, oh non, nous n'y tenons pas. Quel est ce grondement sourd de rêve mourant, un bel ange défaillite. Ok, liquidons. As-tu croisé l'amour? As-tu eu vent de ça? Oui, même dans l'amour, la camarade. Haine pour ce faux frère en qui porte mon nom. Si vivre est un métier, alors je n'ai aucun don. Dis que quoi passe, que quoi passera. Au film benzo, au film benzo. Dis que quoi passe, que quoi passera. Oui, je passe des jours assassins. Désolé, amour, sans toi. Je ne vaux plus rien. Pourquoi faut-il payer en chagrin d'amour? Si le curieux boucher nous massacre tour à tour, je veux revoir l'étoile bleue. brillait dans le ciel. Oh, pourquoi m'as-tu fait, Dieu, ce moment éternel? Oui, je veux revoir l'étoile bleue briller dans le ciel. Oh, pourquoi m'as-tu fait, Dieu, ce moment éternel? Renal, mon beau Renal d'amour, hey, mon Dieu, je m'aime, hein? Hey, on n'en pas tant que ça. C'est pas compliqué, mon Renal. Cette chanson-là, là, c'est la cinquième. Après ça, c'est la six, mais là, tu l'enlèves de ton lecteur. OK. Là, tu le mets ici à côté de toi. Là, tu introduis le disque que là, on l'a dit tout à l'heure. Là, si vous n'avez pas suivi, c'est pas grave. OK? Et c'est la sixième. Alors, c'est pas compliqué. Quand tu vas l'enlever, là, tu le mets l'autre à six. Au même endroit où le chanteur va la faire sur la 6. T'as rien compris? Moi, te le faire en... Oui, moi, te le mimer. D'accord. Es-tu prêt? Non, mais on fait de la radio, Jean-Marc. Là. Peut-être mimer, c'est pas la bonne place. Là. Quoique, tu peux le faire, mais pendant que l'histoire va se dire, puis les gens ne seront pas obligés de connaître ça. Là. Ça, c'est... Tu te trompes tout le temps, toi. Et ça fait partie du milieu, pas interlope, là, mais secret de l'art que l'on fait. Parce que la radio, c'est de l'art, le cinéma, c'est de l'art, mais le cinéma, c'est de l'art et beaucoup de dollars. La radio, c'est aussi beaucoup de dollars, mais beaucoup moins que le cinéma. La musique, c'est beaucoup de dollars, mais moins que le cinéma aussi. Bon. Ce que je veux dire par là, le spectacle, ben, je pense que c'est autant de dollars que le cinéma. Ça dépend qui fait une tournée, là. Si tu dis Tiki Bono avec sa guitare et sa musique à mouche, j'ai rien contre sa musique à mouche. Elle nous fait saigner les oreilles. Tiki Bono, hein, prend son pied, le tire dans la foule, va le chercher à la fin du spectacle. Ça, c'est le clou du spectacle. Parce qu'après ça, il se la cloue. Oh, t'as jamais vu Tiki Bono faire son spectacle, la chanson, là? Mange ta galette, tire ton refrain. Oh, mange ta galette, tire ton refrain. T'as jamais entendu ça, voyons donc. Tu sens pas, toi? Hey! C'est le temps de... Hey, non, ça te coûte pas cher. Hey, tu cubes au noir, si tu vas voir ça, là, normalement, c'est gratuit. Tu dis que c'est Renal Gagné. Tu dis que c'est Rance Renaudienne. Tu dis que c'est CQRL. Il va accueillir tous les gens qui vont y embrasser ça dans l'oreille. Tiki Baudouin va viens-t'en, c'est gratis. Il y a de la place pour ce monde-là. Ah oui. Vous allez être plus proche que les gens qui ont acheté des billets. C'est pas étonnant, Tiki Baudouin. Il connaît, là, lui, là, il a le show business, là, il l'a dans le sang, il l'a dans l'oreille, il l'a dans les yeux. C'est pour ça qu'il y a des lunettes fumées. C'est pas parce que non. Mais aussi, c'est dur d'avoir la lumière en plein regard. T'as-tu déjà fait de la scène, toi, pour dire que non? Pourquoi tu fais un signe de que non? Je t'ai vu faire un signe de que non. Ma quenouille est enchantée, toi, tu vas voir que tu vas désenchanter, là. La chanson de Millet Fermer, désenchantée. Désenchantée, rendez-vous, bantouli, diban, enchantée. Désenchantée, tous tes idéaux. On dirait Millet Fermer, hein? Ouais. Fait que là, l'histoire du beau-frère, moi, te la raconter. T'es-tu prêt? 2 juin, Renal Gagné, sa fête. Bon. Il est au deuxième étage, OK, dans le salon, puis il écoute la musique. Et puis, le beau-frère arrive, puis il dit, hey, « c'est-tu ton nom d'anniversaire ou ton anniversaire? » Puis là, il se tend la main, puis là, petit Benjo est à côté de moi. À côté de lui, excuse-moi, à côté de Renal, parce que c'est pas Renal qui parle, là, c'est... Non. Et puis, il était à côté de lui, là, tu n'as rien compris, hein? C'est énorme. Ouais, je me suis trompé d'un personnage. Ça fait que le beau-frère arrive. On va redire ça autrement. Bon, Il est dans le salon. Rénal est dans le salon. Déjà là, c'est pas compliqué, hein, un salon, tu sais, il y a la cuisine, le salon, là, ça dépend comment, il y a la toilette aussi. C'est ça qui fait partie du la demi au Québec. Quand tu dis que tu restes dans un 3,5, la demi, c'est la toilette. Quoique, je te conseille de faire un salon dans ta toilette, comme ça, ça va faire un appartement complet, puis je pense que le propriétaire va être un peu... omnibulé par ton intelligence. T'sais, fait que tu fais ce que tu veux dans ta toilette, là. Oh, mon... Moi, je t'invite dans... On va te faire un spectacle dans ma toilette à un moment donné. Oh, mon... C'est tout petit, mais plus on est collé, plus on a du fun. Ouvre un... Ouvre des sardines, tu vois, ouais. Ben, pas des sardines, mais... une canne de sardines. Ah, ils ont du plaisir. Et en plus, ils se sont huilés, les... Des sardines huilées. Imagine-toi dans ma salle de bain si on suile tout. On suile tout. Le verbe suiler. Non, c'est huilé, mais c'est le S avec la... Oui... apostrophe, on appelle apostrophe. Moi, vous apostrophez si vous arrêtez pas là. Fait que Rénal est en haut, dans le salon, sur un divan, avec Petit Benjo à côté de lui. Le beau-frère arrive, il dit à Rénal, il dit, c'est pas ton anniversaire aujourd'hui. Non, il dit, c'est pas ton anniversaire aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Alors, le beau-frère tend la main devant Rénal. Lui, voyons donc, il est complètement cinglé. Depuis quand on est des amis sincères? Depuis quand il veut me serrer la main? Mais là, quand il se présente la main, moi, je présente la mienne aussi, mais sa main est fermée. Moi, je commence à l'ouvrir. Puis là, je vois que les deux petits os, les petits biscuits à Benjo, ses biscuits sont cassés. Fait qu'au lieu de le lui donner dans la cuisine pour qu'il l'amène à côté de moi dans le salon... Il s'en vient dans le salon avec ses deux biscuits brisés pour les mettre sur l'oreiller, parce que je mets toujours mon oreiller pour qu'il mange les petits biscuits là-dessus. Donc, je vois la main de mon beau-frère. Voyons donc, il veut me serrer la main le jour de mon anniversaire. Fait que là, je tends la main. Puis là, il me donne dans sa main les deux biscuits de Benjo. J'ai juste pensé, mon Dieu, j'ai passé un cheveu que ce gars-là, à un moment donné, il avait, tu sais, une petite complicité envers moi, là. Puis il voulait me dire, c'est Ramus, bonne fête, le beau-frère. Ah, oh, tabarouette. Hein? Petit Benjo a mangé deux moitiés de biscuits. Lui, il était content. Vas-y. Ah ouais, de beau. Renaud va te la chanter. Ah, oh, c'est tabarouette. C'est quasiment intéressant, hein? Quand tu vois une main de beau, tu dis, ah, ben, hey. Merci, chum. Après ça, t'enlèves la main. Mine de rien, qu'a marié ma frangine. Depuis c'est mon beau-frère, alors faut faire avec. Mais c'est pas une affaire, vu que c'est un sacré pauvre mec. Mon beauf, il lui a fait quatre gosses pour toucher les allocs. Lui fait le coup de la nuit de noces dès qu'elle est plus en cloque. Cette espèce de trou nuc qui a fait 10 ans de légion. C'est bon, il les éduque à grands coups de ceinturon. Le jour où les cons iront. On le verra au bureau d'embauche. Mon beauf, il a des roues flaquettes, un costard à carreaux, des moustaches, une casquette et des pompes en croco. Il se prend pour un vrai mec, mais il craint un petit peu. Pour tout dire, il est presque à la limite du hors-jeu. Mon beauf, à chaque fois qu'il culbute une collègue de bureau, il va se faire une pute, ce ringard, ce blaireau. Il dit que c'est pas trompé, que c'est juste pour l'hygiène. Mais que c'est sa femme limitée, il la sommerait à coups de beigne. Le jour où les cons seront cuisiniers, c'est lui qui préparera les sauces. Mon beauf. Tout Richard Lederman, il trouve ça super chouette, c'est le Mozart du Walkman. Et puis dans sa R16, il y a la Simi, tu penses. 73 à station, tête de l'un en fréquence. Mon beauf, dis bonjour la culture. avoir ses lectures, ça casse des barres aux chaises. VSD Paris Match, et puis Télé 7 jours. Et bien sûr, chaque année, il s'offre le prix Goncourt. Le jour où les cons ne seront plus à droite, il y a peut-être une chance qu'ils votent à gauche. En bref, il adore les animaux, il a un berger allemand qui protège ses bibelots, son petit appartement. Il l'emmène à la chasse, au flinguer les petits oiseaux. Parce que ce gros dégueulasse, il taquine le moineau. Mon beauf, mon beauf. On choisit ses copains, mais rarement sa famille. Y'a un gonce, mine de rien, qu'a marié ma frangine. Il est devenu mon beauf, un beauf à la cabu. Imbécile et facho, mais heureusement cocu. Quand le soleil brillera que pour les cons, il aura les oreilles qui chauffent. Mon beauf. Mon beauf. Merci Renaud, merci, il est super. Ça. Mais hey, il y a Michel Gerchian. Hey, Renaud, excuse-moi. Merci des applaudissements. Il y a une chanson sur ce disque-là. Pourquoi pas passer? Il ne faut pas passer à côté. Ça a fait mon adolescence et ça fait longtemps que je n'ai pas entendu. Donc, je crois que ça fait dans cette version-là. Là, parce que c'est Renaud, un Olympia pour moi tout seul. Vous la connaissez? Le CD, vous le connaissez, Mme Tremblay? Non, Renaud. Pas la voiture. Le chanteur, le poète, chanteur aussi. Aujourd'hui, il chante encore, mais le registre a changé. Oui. Il n'y a plus d'octave. Il est dans le grave. Puis, il ne chante plus debout, hein? Il chante assis. Le poids des mots. Ah, le poids des mots est tombé sur ses épaules et puis il n'est plus capable de marcher. Ah, non, quand tu es un poète, là, Renaud Rimbaud, hein? Rimbaud, hein, il a abandonné à 18 ans la poésie. Après ça, il a vendu des arbres. Mais lui, il est resté fidèle à lui-même. Je parle de Renaud. Rimbaud, c'est une autre histoire. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, Renaud, la chanson. Hey, mais celle-là, là, je reviens moi-même. C'est qui toi-même? C'est moi-même. C'est qui? On va l'appeler. Oui, allons-y, non. En avant la musique. Lâche-moi la bédaine, toi. Lâche-moi la bédaine. La bédaine, le petit ventre, là, le petit ventre qui fait le pompeux. Lâche-moi le pompeux. Non, c'est pas en bas de la bédaine. Le pompeux, c'est la bédaine. Le pompeux. Et quand j'étais étudiant au cégep, oh. Donc, je vais faire une régression. Juste pour moi, ce soir. J'aime ça quand je prends sa voix longue, que tu es dans la relaxation la plus intime. Je sais pas si ça va plus dire en malade, mais on s'en fout. C'est ça. Toi, là, oui. Ouais, voilà. Ah, c'est merveilleux. On se fait un plaisir, OK? Alors, ensuite, c'est mon invité. Êtes-vous prêt? Oui, merci. Militants pour une société meilleure, dont ils seraient les dirigeants, où ils pourraient faire leur beurre. Voici le flot des étudiants, propres sur eux et non violents, qui s'en vont grossir les rangs, des bureaucrates et des marchands. Étudiants, poil aux dents, je suis pas ton clan, pas de tasse, mais je sais que le coup de pied au cul, que je suis le bourgeois qui passe. Il vient de l'école de la rue et il s'anime à godasse. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant, alors tu seras moins que rien. Ah oui, ça je veux bien. En architecture, dans ton carton à dessin, y'a l'angoisse de notre futur, y'a la société de demain. Fais-les-nous voir tes projets, la couleur de ton béton. Tes HLM sophistiqués, on n'en veut pas de nos maisons. On s'est construit à nous-mêmes sur les ruines de tes illusions. Et puis on prendra en main, quoi donc, l'habitat urbain. Je sais, ça te fait pas marrer, je pouvais pas m'en empêcher, maman. Quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Bah alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, moi, gangster. Yeah. pénicilline, des saloperies de médicaments. Aux bourgeois tu refileras des cancers à tour de bras et aux prolos des ulcères, parce que c'est un peu moins cher. Et qui remonte, qui a besoin de toi, là c'est sûr que t'iras pas. Malgré tous ceux qui vont crever, t'oublieras que je t'ai chanté. La médecine est une putain, son macro c'est le pharmacien. Maman quand j'étais grand, j'voudrais pas être étudiant. Bah alors qu'est-ce que tu veux être? Je sais pas moi, poète. Y'a plus de fachos dans ton bastion que dans un régiment de paras. Ça veut tout dire être du con. Demain c'est toi qui viendras dans ta robe ensanglantée pour faire appliquer tes lois que jamais on a votées. Tu finis juge ou avocat, ta justice on n'en veut pas. Puis si tu finis notaire, peut-être qu'on débarquera chez toi pour tirer les choses au clair. Et tant pis s'il n'est pas là. Maman quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Bah alors qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas moi, infirmière. En que dalle, tu glandes dans les facultés. T'as jamais lu le Capital, mais y'a longtemps que t'as migé qu'il faut jamais travailler et jamais marcher au pas. Que leur culture nous fait gerber, qu'on peut pas finir nous fiat au service de cet état, de cette société ruinée. Des étudiants respectables espèrent un jour diriger, entraînant dans leur cartable la connerie de leurs aînés. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Alors tu seras moins que rien. Ah oui, ça je veux bien. Ah, maintenant, voici Fifi Touchnil, qui est dans l'univers de la mode, si vous préférez, de la couture, et aussi de la musique. Alors, elle va nous parler de ses chansons. Fifi Touchnil. Tu portes des couleurs très acidulées, comme les bonbons anglais. Tu as de la saveur, du fondant c'est vrai, comme les bonbons anglais. On s'est rencontrés dans des murs dorés, c'était dans l'entrée d'une boîte décorée. Oh, what a party, you told me baby, do you want to be my candy? Peu importe l'heure, j'aime bien te croquer, comme les bonbons anglais. Sans nous cacher, nous restons collés comme les bonbons anglais. On s'est retrouvés bien embarrassés d'être si collés au fond du sachet. What happened to be is that eventually we became sticky like English candy. J'aime ta saveur terriblement sucrée comme les bonbons anglais. Ce que tu me fais, c'est le même effet que les bonbons anglais. Mais en même temps, c'est un jeu. La chanson, c'est un jeu. Le spectacle est un jeu. Mm. Donc, pourquoi se prendre la tête? On est là pour avoir du plaisir. Exactement. Puis en plus, le public, ils sont tellement mignons, ils sont tellement gentils. Tout le monde adore quand l'autre se trompe. Pourquoi on aime bien les gens qui se cassent la figure sur une peau de banane? Bah, on ne sait pas. On devrait se dire bah, on est inhumain, on est méchant, hein, l'homme est méchant. Non, on n'est pas méchant. C'est qu'on est tous pleins d'imperfections. Alors le reconnaître chez l'autre, le voir chez l'autre, bah, c'est rassurant. Donc eux, ils sont dans leur siège, ils sont bien tranquilles. Toi, tu te cours. Alors ils sont très contents parce que toi tu t'en fous en fait. L'humilité de Patrick. Oui, c'est ça. Je leur dis, attendez, on va faire bien, on va recommencer et tout. Je veux pas. Puis voilà. Mais ton travail de scène, est-ce que tu écris tes chansons pour les transporter après sur scène? Est-ce que tu mets des mots qui sont scéniques? Pas forcément. Déjà, dans un premier temps, quand je les écris, je ne pensais pas du tout à la scène. Peut-être que je vais y penser la prochaine fois. Il ne fallait pas dire ça. Ça va déclencher quelque chose. Oui, ça va déclencher quelque chose. Non, là, j'avais envie de dire quelque chose. J'avais un truc à dire. Qu'est-ce que tu voulais dire? Mais, par exemple, dans une journée ordinaire, tu vois, qui paraît... c'est un texte sur... c'est le zut, aujourd'hui il flotte. Ben, c'est un texte sur l'optimisme en fait. C'est un texte pour dire le monsieur qui n'a pas de cheveux. Dans l'histoire, je ne sais plus pourquoi il a des bleus, il a des bosses, mais finalement il est très heureux d'avoir des cheveux. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de bleus, qui n'ont pas de bosses, qui se plaignent qu'ils n'ont plus de cheveux. Et puis, je ne sais pas quoi, l'autre qui zozote, etc. Enfin, il y a... en fait, cette chanson, c'est... C'est des photos de personnes. C'est des photos de personnes, mais c'est aussi... Tu sais, maman, je dis que j'ai lu... Ce matin, j'ai lu dans mon horoscope ce que je croyais un scoop, mais qui n'était finalement que ce que je déciderais de faire, de la pluie ou du beau temps. Et en fait, c'est une attitude dans la vie que j'aime bien avoir ou transmettre, c'est que plus on se plaint, plus ça va aller mal. Mais si tu regardes un peu de la lunette rose, eh ben, ça va mieux, c'est pas grave. Franchement, on est dans des pays où on mange, on n'a pas la guerre, on peut pas encore, ouais. En touchant du bois, on peut créer autre chose et en tout cas des mini-bulles, tu vois, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Créer des mini-bulles de moments heureux, tu vois, voilà, c'est ça. Mais les gens qui viennent te voir aussi viennent voir quelqu'un qui va nous faire oublier les tracas. Exactement, exactement. Ils viennent pas voir une cantatrice, ils viennent pas voir quelqu'un qui fait un travail, tu vois, de musical comme ça. Ils viennent voir... partager un joyeux moment, c'est tout. Avec des mots que tu as écrits, et que... Là, as-tu beaucoup de paroles, as-tu beaucoup de chansons? Ben après, tu vois, sur les autres chansons, c'est des émotions plus ou moins tristes, ou plus ou moins... qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit « Mon prince ou mon lapin ». Celle-là, je ne l'ai pas chantée en concert, je n'ai pas voulu. Ça m'a agacée parce que c'est sur une histoire d'amour qui finalement, je ne le dis pas dans la chanson parce que ça n'était pas là, mais finalement, ça n'a pas fait ça. Alors, j'ai eu envie de la chanter. En fait, j'y crois tellement à ce que j'écris ou à ce que je chante. Tu sais, le pouvoir des mots, tu dis un truc. Le truc, il résonne, puis il arrive. C'est ton bébé aussi, tu veux pas le dire ça? Exactement. Es-tu de Pantin ou bien t'es doux, mon lapin? Es-tu de Paris, souris? Es-tu du matin ou du Tintoin, mon lapin? Es-tu dans la vie, chérie? Je voudrais savoir un peu plus ce qu'est ta vie et comment tu l'as écrit. Ne serais-tu pas l'homme de ma nuit? Pourquoi pas Johnny? Es-tu d'accord pour faire un tour de magie? Es-tu d'accord pour faire le tour, un petit tour de Paris? Ou bien très grand pour la vie? Es-tu du matin ou du Tintoin, mon lapin? Es-tu de la nuit, souris? Es-tu de Chelsea ou bien t'es doux, mon lapin? Es-tu de Soho, la nuit? J'étais partie pour faire le tour de ma chambre, c'est quand t'as débarqué là t'es arrivé, les bras chargés de tous mes rêves entiers. Nos différences, ces évidences pour entrer en cadence. T'es peut-être pas beau, t'appelles-tu Guy? T'aimes certainement le boogie-woogie. Oh, certainement le boogie-woogie. Aimes-tu les câlins le matin, mon lapin? Aimes-tu la vie, souris? As-tu du chagrin quelquefois le matin? Es-tu heureux la nuit? Il ne faut certainement pas remettre à demain les beaux rêves de cette nuit. Tu devrais y croire comme à la vie, tout autant qu'à la magie. T'es certainement pas le prince charmant, ni même un don juan. Même si tu es un peu piqué, ce serait pas très compliqué d'être celui de mes rêves parfaits. Celui de mes rêves, celui de mes rêves, celui que demain j'attendrai. Non, non. Mais c'est vrai, être auteur, c'est de représenter quelque chose. Donc les gens qui vont t'écouter vont se faire une idée de toi. Oui. Donc, tu veux pas non plus le... Non. Exactement. Tu peux pas faire n'importe quoi. Non. Et puis comme on change, nous, je pense que c'est pour ça qu'il faut écrire et faire bientôt un autre album, parce que comme on change... On peut être oublié aussi. Oui, oh, ça, je m'en fous. Ah, mais tu sais, oui, tu as raison, mais en fait, c'est, je crois pas que ce soit ça qui motive. Ce qui motive, c'est... Là, tu sens l'énergie, alors tu veux garder l'énergie. Exactement, ouais. Voilà. Et puis ton état d'esprit bouge un peu. Donc il faut que les mots bougent avec. Là, tu sens que tu es centré, existe. Oui. Et tu ne veux pas que ça déroge. Mm. Donc tu prends ce mouvement-là pour continuer. Ouais. Ouais. Et puis tu prépares vraiment un nouvel album? Mais oui, à partir de maintenant. Et tu es rendu où dans le processus? Pour l'instant, c'est un drôle de processus parce qu'on. Il y a certains musiciens avec qui sont venus s'ajouter et avec qui on a vraiment envie de jouer et qui seront plus faciles, tu sais, parce que moi j'ai Roger Pouli, ce fameux pianiste de Charles Trenet qui habite en dehors de Paris, qui commence à être un vieux monsieur et... un âge respectable et bon voilà, alors de rencontrer un bassiste qui lui joue avec un guitariste qui ont vraiment envie de jouer avec nous parce que c'est très gay, ben, c'est assez rigolo de faire des nouveaux morceaux avec eux, donc quelquefois c'est juste un hasard comme ça, hein, parce que celui qui joue et qui a toujours joué avec moi, c'est Henri Gretz, qui est violoniste. Depuis l'EP. Oui, depuis l'EP. Oui, parce qu'il est dans... Il est dans les deux, exactement. Oui, voilà. Il n'est pas sur l'album, mais il était... Il sera toujours en live, parce que c'est un ami. Ouais. Et qu'il est merveilleux. Il connaît aussi, il peut te connaître et savoir... Complètement. Que... Oui, complètement. Mais il habite à Liège. Oh. Alors tu vois, c'est loin pour dire, bon, on se retrouve, on se fait une petite répète comme ça. Ouais. C'est... Donc voilà, peut-être... Alors peut-être ça va démarrer comme ça en juin. Des nouveaux morceaux avec ces nouvelles personnes. Et le son? Et le son? Est-ce que c'est... Est-ce que ça va ressembler à ce que j'ai écouté de ton... Peut-être... Je ne sais pas. Je ne sais pas où ça ira, mais comme il y a des... On a fait 2-3 reprises de Gillian Hill qui sonnent un tout petit peu plus pop. Ça sera peut-être dans cette tonalité-là. On va voir comment ça évolue. Mais c'est pas mal aussi de... c'est pas mal aussi de mêler des reprises, oui. Parce que je me rends compte qu'il y a des générations, tu sais, quand tu leur sors un truc, la transmission, comme on dit. Encore une fois, ouais. Voilà, pour qu'ils connaissent, ils n'iraient jamais écouter un truc, ouais. Voilà. Mais s'il y a la reprise, ah, ça c'est nouveau. Ben non, après tu leur dis que c'est une reprise. Ouais. Et c'est au bout du jour. Oui. Un peu comme Arnaud qui a repris une vieille chanson d'Adamo. Les filles de mer, c'était chouette. Il l'a remis au son du jour. Ah ouais. Et voilà. Voilà. Mm. Mais lorsque le disque que tu as sorti en 2021, ou en tout cas, aux alentours de 2021, à cause, ouais, de la COVID, on ne sait plus trop, là. Ouais. Le moment où tu devais placer tes chansons sur le disque, est-ce que c'était compliqué de trouver alors, le rang de... Écoute, je l'ai fait instinctivement. Et là, je suis pas sûre d'avoir eu raison. C'est que j'ai mis cette fameuse chanson Mon prince, mon lapin, ouais, là, ouais, pour ce garçon, ouais, au début. Et Philippe m'avait dit, en écoutant, Philippe Catherine, en, ouais, écoutant la première écoute, tu sais, du mix, il me dit, l'ordre des chansons, genre, il voulait qu'on en parle. Okay. Et moi, j'étais sûre de moi. Et j'ai dit, bah non, c'est comme ça. T'es ma poule de Brooklyn, t'es ma boule jolie fille. Tu les roules comme des billes, tu les boules comme des quilles. T'es ma souris de Paris, t'es ma toupie qui s'ennuie. C'était un beau jour de pluie, celui où tu m'as dit oui. T'es ma poupée de LA, t'es ma beauté qui paraît si fragile et qui le sait, qui vacille et qui le tait. T'es ma poule de Brooklyn, t'es ma souris de Paris. Quand j'ai froid, je mets un pull de ski. Et toi, tu nous sers un whisky. Mais quand j'ai froid, je mets un pyjama. Ou bien là, c'est toi qui me prends dans tes bras. T'es bien ma fée du Far West. Quand bien même tu te détestes, je te dirai sans conteste que t'es bien mieux que mes West. Mais un jour tu es parti, sans doute je t'ai pas assez dit que je t'aimais, assez dit que tu comptais. T'as rendu ton tablier, tu me laisses à mon sablier, comme si j'avais pas compté, comme si je pouvais t'oublier. T'es ma poule de Brooklyn, t'es ma souris de Paris. Moi, quand j'ai froid, je mets un pull de ski. Et toi, tu te sers un whisky. Mais quand j'ai froid, je mets un pyjama. Ou bien là, c'est toi qui me prends dans tes bras. T'as rendu ton tablier, tu me laisses à mon sablier. Comme si j'avais pas compté, comme si je pouvais t'oublier. À quoi sert de compter le temps s'il n'existe qu'un instant pour savoir qu'en ce moment se prépare notre présent. Mais je sais qu'au paradis se retrouvent les souris et je remercie la vie de nous avoir réunis. T'es ma poule de Brooklyn, t'es ma chérie pour la vie. Mais je suis comme ça. C'est ton projet, c'est ton projet. Oui. Mais maintenant, je regrette un peu. Je regrette un peu parce que cette chanson, elle m'énerve maintenant. Oui. Ah, oui. Mais as-tu demandé à Catherine Philippe, à Philippe Catherine plutôt, l'ordre que lui voyait tes chansons? Non, même pas. Voilà, même pas, tu vois. Tu étais vraiment, ouais, arrêté sur tes... Oui. Parce que lui avait flairé aussi que cette pièce-là allait mal. Comme, je sais pas ce qu'il m'aurait dit. Après, tu sais, dans les conversations, il suffit qu'il y en a un qui dise « Ah non, c'est sûr ». Et l'autre, il dit « Ah bon, bah, d'accord, alors. » Tu vois. Et quelquefois... Mais il voulait pas non plus t'offusquer. Exactement. Projet, ouais. Oui, oui. C'est un gentleman. Exactement. Il est tellement gentil que... Ouais. Et donc, vous avez une amitié depuis longtemps, toi et Philippe Catherine? Ben oui, je crois au moins depuis 15-20 ans. Je me rends plus compte. Est-ce que tu suis un peu sa carrière aussi? Ben, tu sais, il est partout. Ouais. Et, alors, ce que je suis, ce qu'il fait musicalement, ouais, bien sûr, ce qu'il fait avec ses expositions, ses trucs comme ça, ces films, je suis rien du tout parce qu'il en fait tellement. Des apparitions aussi, uniquement des apparitions. Oui, des apparitions, rôles. Des rôles, des machins, des trucs. Et il dit pas tout, il est secret, heureusement, parce que sinon il te remplirait une conversation. Il prendrait toute la place parce qu'il a tellement de trucs à faire. Donc il est très discret. Oui, mais c'est son humilité. Oui, absolument. Et donc là tu prépares. Est-ce que les paroles sont terminées du deuxième disque? Oh non, pas du tout. Oh non, à peine, même pas commencé. L'idée vient juste de germer. L'idée vient juste de germer. Et l'envie très forte, surtout de faire beaucoup de scènes déjà avant, et puis de faire tourner les morceaux qui sont déjà sur cet album, et rajouter petit à petit un morceau de temps en temps. Alors, tu vois. Tu peux les vérifier sur scène avant, c'est une bonne idée. Ouais. Avant de les indiquer, pour voir la réaction des gens. Ouais. Et peut-être que si tu vois la réaction du public, est-ce que tu peux modifier des mots? Parce que tu sens que ça fonctionne moins, que ça se Ça, je sais pas, parce que tu sais, c'est pas forcément ce que le public va ressentir, c'est toi comment tu vas le donner, à mon avis. Alors, il y a un jour, un mot, tu vas super bien le donner, ou une idée, et puis un autre jour, tu vas mal le donner. Donc, il faudrait pas dire c'est à cause du public que j'enlèverais ça. C'est plutôt moi que je vais corriger ou remettre un. Oui, voilà. Et qu'est-ce que tu veux dire dans ton troisième album, quatrième album? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Quel message que tu veux? Ah, je sais. Alors. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Okay. Mais c'est un goût de encore de créer le bonheur, la gaieté. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que ça pourra pas parler d'autre chose. Ça parlera d'amour, de moments joyeux, de festif, le côté festif. Exactement, ça sera toujours ça. Est-ce que des chansons... C'est pas faire un truc mélancolique du tout. Non, puis il n'y a aucune chanson qui va l'être. Il y a des chansons douces. Mais pas mélancoliques. Murmurer un peu comme tu as fait dans ton EP, il y a une chanson. Oui, là il y en a une aussi dans l'album Noctambule, elle est très. Elle est juste piano-voix, elle est très très douce, elle est très nuit comme ça, très douce. Il y en aura peut-être une, mais pour se reposer des moments d'excitation. Est-ce que tu as beaucoup de. As-tu beaucoup de choses que tu prépares en même temps, ou si tu veux terminer quelque chose avant d'entreprendre un autre projet? Ben... C'était la première cigarette que je fumais dans ma cachette. Évidemment, elle m'a fait tousser, et c'est pour ça que j'ai recommencé. C'était ma première cigarette, et c'était loin d'être la plus chouette. Comme tout ce qui est bon dans la vie, on ne le sait que quand on en a repris. La première coupe de champagne, c'était pas le goût du champagne. Et le premier verre de bière, c'était pas le goût de la bière. Mais la première fois que tu m'as cinéma, c'était la première fois, mais ça fait déjà le goût de toi. Comme ma dernière cigarette que j'ai fumée dans ma chambrette. Évidemment, tu l'as allumée, c'est pour ça que je l'ai adorée. C'était ma dernière cigarette, et c'était vraiment la plus chouette. Comme tout ce qui est bon dans la vie, je ne le sais que quand tu es ici. Pam padadam padadam, pam padadam padadam, pam padadam padam, padam padam pam, padadam pam, pam padadam padadam, padam padadam padadam, padam padam padam, padam padam pam. Ma dernière cigarette que j'ai fumée dans ta chambrette. Évidemment, tu l'as allumée, et c'est pour ça que je l'ai adorée. C'était ma dernière cigarette et c'était vraiment la plus chouette. Comme tout ce qui est bon dans la vie, on ne le sait que quand on en a repris. Il y a forcément plusieurs choses qui se passent en même temps, parce que là il y a l'exposition qui, une fois qu'elle est terminée le 31 août dans ce musée-là, elle est tellement prête qu'elle doit tourner. Donc l'idée, ça serait, c'est de la faire tourner en, à Paris, en province, à l'étranger, peu importe. Voilà, donc ça, c'est un boulot. À quel endroit tu vois un peu ton exposition, dans un musée ou dans un... Ben, j'aime bien les musées, parce que justement, c'est ouvert. Bon, les galeries aussi, hein. Ça peut être une galerie, ça peut être un musée, ça peut être... j'adore les musées parce que c'est ouvert à tout le monde et c'est très accessible. Et c'est démocratique. Ouais. Les galeries, il faut les connaître. Ouais, c'est ça. Il faut aller les chercher. Ouais. Mm. Puis c'est un lieu aussi peut-être trop lourd pour... un peu sacralisé, moins populaire. Mm. Oui, le musée est populaire. Ouais. Est-ce que tu as appris en faisant des disques, parce que là, c'est quand même, tu deviens habitué, de poser ta voix, ou si tu laisses la vie s'occuper de cet instrument que l'on appelle le chant? Écoute, c'est vrai que je ne l'ai jamais travaillé, parce que déjà... Mais t'as raison, c'est la vie qui me la travaille. Parce qu'elle est déjà tout le premier maxi 45 tours quand je chantais en égyptien, on dirait que j'ai 2 ans et demi. Après l'EP, peut-être 12 ans. Peut-être là, j'atteins le niveau 18 ans. Et puis après, bon, j'aurai peut-être 30 ans de voix. Je sais pas, il va falloir que tu vois, je la mûrisse. Mais ça, c'est la vie qui le fait. Et c'est la scène aussi, placer ta voix sur oui. Scène. Est-ce que tu joues beaucoup sur la projection dû au fait qu'un disque, ben là, tu as un micro, donc tu peux murmurer, tu n'as pas à te lancer, tandis que sur scène, ben là, c'est... En même temps, ce que tu apprends sur scène, c'est que tu arrives à moduler exactement comme studio. En studio. Ça m'épate, ça. Ils sont très forts, hein, les types, au son. Oui. Tu t'entends vraiment bien, si tu réclames, hein. Ouais. Mais tu peux vraiment moduler, et puis c'est... Bon, il doit y avoir des différentes conditions, hein, quelquefois. Des acoustiques plus ou moins bonnes, mais... Est-ce que ça donne le goût de faire un disque live, en spectacle? Oui, ça, c'est une bonne idée. C'est intéressant, hein? C'est intéressant. Parce que tu organises un repas, que mieux que de placer un disque live. Ouais. C'est comme un disque de jazz, ça, on dirait que ça met un peu l'ambiance. Ouais, c'est vrai. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, il y a une vraie le communication. Son, ouais. Et puis les bêtises qu'on dit entre sont importantes aussi, ouais, parce ouais. que... Bon, ça annonce. Ouais. Est-ce que tu parles beaucoup, toi, entre les chansons? Un peu. Tu es bavard? J'ai tendance. Et tu parles de ton travail d'écrivaine ou si tu... Non, c'est des conneries. Okay. Okay. Tu veux juste installer une sorte de convivialité, ouais, c'est ça. Voilà. Convivialité entre les musiciens. Je parle facilement aux musiciens qui m'entourent, je les arrête, on reprend, machin. Et puis le public, un vrai... Parce que tu sais, j'ai conscience de mon non-professionnalisme quand même. Donc... Et c'est payant aussi, parce que t'as pas de tic, t'as pas oui. un genre de climat de quotidienneté de faire de la scène. Donc oui. C'est plus pur, c'est plus limpide, ouais. C'est plus intéressant. Ouais. Et puis c'est plus proche, oui, du coup, oui. C'est plus proche de... Et puis je trouve les gens très indulgents, très mignons, je trouve vraiment gentil. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a un public, de plus en plus un public qui te suit? Oui, je me rends compte de ça. Et puis j'en suis étonnée, tu sais. Je trouve ça épatant. Ouais. Ben ça fait chaud au cœur. Ça fait oui. Ma robe en soie n'a rien en soi de déroutant, à peine moulante. avec un nœud sur le devant. Mais quand je pose ses reflets roses virent au violet et son volant vient froufrouter sur mes mollets. Ma robe en soie, ce n'est pas moi qui l'ai choisie. C'est une légende comme un bijou dans la famille. Elle a connu Baden-Baden, la Riviera, Monte-Carlo, la belle époque, l'Eldorado des casinos. Ma robe en soie est aux abois tous les samedis. Quand je l'enfile, je sens ses fils qui s'émoustillent. Ma robe en soie n'a rien en soi de déroutant. Sauf dans mes rêves, tu la soulèves si tendrement. Ma robe en soie, tu la soulèves si tendrement. Comment on dit gratitude? Ah ouais, reconnaissante. Voilà, je sais plus le mot français. Tu es reconnaissante de l'accueil que le public te fait. Voilà. Parce que ça m'encourage. Ça me donne envie. Mais est-ce que c'est aussi en même temps, lorsqu'on te voit sur scène, c'est le côté ludique qui est beau à regarder, le côté. Je crois que c'est ça. C'est le côté. C'est le personnage que tu représentes. Je crois que c'est le plaisir que je prends à être là qu'ils ressentent, et non pas la qualité du chant merveilleux. Ta silhouette aussi, ton aura. Je sais pas. C'est vrai, tu es comme un personnage. Mais toi aussi, tu es comme un personnage. On est tous des personnages. Mais il y en a certains qui sont plus campés, d'autres un peu moins. Et toi, tu fais partie un peu de ces gens-là qui sont intrigants. Intrigants? Oui. Ah ouais. Ouais. C'est très intrigant parce que tu fais de la musique, tu fais de la mode, tu écris des chansons, t'es une touche à tout, puis à chaque fois que tu entreprends des choses, tu réussis. Ouais, écoute, j'arrive à rater aussi. Ah, hein. Ça, on le voit pas. Alors, tu les enlèves avant de les envoyer sous nos yeux ébahis. Ouais. Donc, tu contrôles un peu aussi ton produit. Ou alors, je rate carrément devant. Et comme ça, tu prends la baffe en plein milieu. Et ça se voit. Ouais. Et comme ça, bon, tout le monde est content parce que ça arrive à tout le monde. Mais est-ce que c'est déjà arrivé que dans ta présentation, je ne sais pas, une année que tu as passé à côté de quelque chose, ou je parle de la mode? Alors, je crois que dans tous les cycles de travail, tu sais, il y a des moments où tu es comme ça, en plein, ça marche. Oui. Après, tu arrives à un plat. Après, il faut vraiment ressentir le creux pour après rebondir. Je crois que la vie, elle n'a jamais été comme ça, hein, non, pour personne. Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, t'imagines une piscine, une baleine. Toi, t'as tout cassé chez moi, moi j'en reviens pas. Je suis restée comme ça, comme tu me vois. Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Je sais que tu m'appelles mademoiselle, que j'ai tout cassé chez toi, que tu n'en reviens pas. Tu es resté comme ça, comme je te vois. Comme un éléphant de porcelaine, pourtant plus léger que le pollen. Je sais, tu dis ça de moi, mais plus fragile que toi, plus fragile que toi, je ne vois pas. Dieu merci, voilà, c'est ça. Et comme ça, ben, on met nos émotions à l'épreuve, on met nos capacités d'endurance ou tu sais, d'envie peut-être. Alors, peut-être que, tu vois, l'échec sur un truc, ça donne à certains envie de changer. Et ça, c'est vachement bien. Ou alors, ça donne envie d'autres gens de continuer, mais différemment. C'est un peu mon genre. Il faut suivre ton rythme. Oui. As-tu un rythme effréné parce que tu n'arrêtes pas? Quand on te regarde sur Internet, tu es toujours en action, tu es vraiment en vacances, pas des vacances. Et c'est vrai qu'en vacances, j'aime bien faire de la peinture sur les murs. Oui, c'est ça. Oui, j'adore ça. Mais alors, tu n'arrêtes jamais? Oui, j'arrête jamais. J'aime bien marcher dans l'eau, mais je pars à la pêche. Tu fais de la pêche souvent? À pied. Oui, mais je ramène rien. Okay. C'est juste pour le plaisir de tirer la ligne. Non, c'est pas une ligne, c'est une épuisette. Ah, OK. Ou avec les mains. Oui. Tu veux des coquillages. Ah, c'est bien. Est-ce que tu fais des collections de coquillages? Non. C'est juste pour le plaisir de regarder l'eau et de relaxer. Oui, je suis un peu des bêtises, mais je suis pas trop du genre à m'étaler à rien faire. Voilà. Et à quel moment tu peux prendre du recul? Je fais des petites pauses dans la journée. Hein. La journée, mais pas dans le mois ou dans l'année. En prends-tu des moments dans l'année, deux semaines, trois semaines d'arrêt pour... Alors, ça c'est au programme. J'aimerais bien essayer. J'aimerais bien voyager. Ouais. J'aimerais bien faire ça. Faire deux semaines, trois semaines avec rien. Le plaisir de découvrir. Ouais. Un peu comme tu l'as fait dans la chanson. Ouais. Ça, c'est un prochain projet. Ouais. Et ça fait du bien aussi de se ressourcer, de revenir. Exactement. À faire ça avec d'autres... Exactement, ouais. Voir autre chose. Ouais. Mm. Ouais. Parce que ça nous sort un peu de notre confort Oui. Parisien. Ouais. Oui, puis il y a un moment, tu tournes comme un hamster. Hein. Ben, toi, dans ton cas, tu as tellement d'arcade. Jamais, donc tu sautes de musique en. Ouais. En textile et de textile en mots et en mots de musique et de musique en... Ouais. Tu t'arrêtes jamais. Donc tu peux jamais faire un arrêt sur l'image. Ouais. Ton blouson à franges et mes accroche-cœurs, tous deux se mélangent au bruit du moteur. Après des détours, nous changeons de lieu. Je sens alentour que l'air est joyeux. Et tu m'emmènes à la fête foraine. Ta mobilette est tellement merveilleuse. Car le plaisir est toujours une aubaine. Oui, le plaisir est une chose sérieuse. Tu touches à ta cible de ta carabine. C'est le point sensible, c'est irrésistible. Au palais des glaces, je veux tes baisers. N'étant pas de glace, la chose est aisée. Et nous voilà à la fête foraine. Ta mobilette est tellement merveilleuse. Car le plaisir est toujours une aubaine. Oui, le plaisir est une chose sérieuse. Tamponneuse et tous les manèges. Et encore un tour, pourvu que ça dure. Toujours amoureuse, je vois ton manège. Tes paroles d'amour, la belle aventure. Et nous voilà à la fête foraine. Ta mobilette est tellement merveilleuse. Car le plaisir est toujours une aubaine. Oui, le plaisir est une chose sérieuse. Mais c'est vrai qu'en voyageant, je pourrais toujours avoir du papier et un crayon pour dessiner. Oui. Est-ce que tu crois que quelquefois tu t'es tout petit? Oui, quelquefois je me fatigue. Hein. Je me fatigue. Faut pas tout. Ok, alors tu dois. Si tu te regardes fonctionner, ça te fatigue. Parce que tu te trouves effréné. En même temps, tu sais, Je suis bien obligée, je danse beaucoup. Parce que je suis comme ça, il faut bien. Il faut que je me bouge. Ouais. Pour décompenser un peu, pour. Oui, il est comme ça, mon corps, il a besoin de s'exprimer. Sur scène, est-ce que tu danses beaucoup? Je danse un peu, mais je suis pas Madonna. Hein. Je suis pas, tu vois. Non, mais après, il faut suivre le souffle. Ouais, donc, je danse ça de temps. Ok, tu ne veux pas t'essouffler en même temps, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Il faut garder le souffle pour la musique, pour les mots. Je suis tentée parce que le rythme de la musique me donne envie, tu vois. C'est comme si j'étais harceur. Mais après, je vois vite qu'il faut se calmer. Il y a une autre chanson après, c'est pas terminé. Exactement, peut-être un mot qui vient après. Peut-être que pour la dernière chanson, là, tu peux carburer. Voilà. Exactement. Tu envoies la purée pour la dernière. J'ai 10 questions, j'ai hâte de voir où ça va nous. J'ai 10 questions de la fin. OK. Si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide, de l'eau. De l'eau qui est une source de vie, une source de. Oui, c'est vraiment ce qui vient de me sortir. La première fois qu'on s'est vu, tu m'avais dit le champagne. Est-ce que tu es encore... C'est vrai. Aimes-tu le champagne? Je déteste le champagne. En fait, je bois que de la bière. Je déteste le champagne. Ça devait être à cause de noctambules. Oui, c'est ça, exactement. Ça devait être à cause de ça. Ouais. Ouais. Mais... C'est une fausse image. Oui. Parce que t'es pas champagne et bulle. Ben, t'es bulle, mais houblonné. Houblonné. Là, il fait tellement chaud que je préfère l'eau. Oui. Et tu me dis aujourd'hui quel liquide, c'est l'eau, c'est sûr. Mais quand c'est de la bière, c'est quelle bière? La blonde de base. Surtout pas des trucs compliqués, très forts et tout ça. Les bières connues, non pas de microbrasserie. Non. OK. Si tu étais là-dessus, tu vas pas trop loin. Tu prends vraiment ce que t'aimes. Tu vas pas à la recherche de nouvelles sensations gustatives. Non. Si tu étais une ville... Si j'étais une ville, je crois que je serais Paris. Ah oui? Oui, ça c'est sûr. 18e, Pigalle. Oui, mais d'autres... Tu sais, je suis née à Paris et j'adore cette ville. À chaque fois que je pars et que j'adore la quitter, ouais. Pour revenir, me dire c'est beau. Ouais. C'est beau tu partout. Tu restes toujours à côté du Moulin Rouge, en haut du Moulin Rouge? Non, okay. Je travaille dans le premier. OK. Quand j'étais petite, j'allais à l'école dans le 6e. Je suis née dans le 15e. Mais t'as déjà resté en haut du Moulin Rouge? Non, je suis toujours devant le Moulin Rouge, moi. OK, t'as jamais resté en haut du Moulin Rouge? Non. OK. Non. OK. Je suis en face. OK. Ah, OK, mais t'es pas loin. Ah, ben, je suis juste en face. Alors, tu sur la place. Tu le regardes? Je le regarde, okay. Ouais. Ouais. Sinon, tu habites quel arrondissement? Ben, c'est le 9e. OK. Sur la place, il y a le 18e du côté du moulin et en face, c'est le 9. OK, OK. Ouais. Et c'est une place qui te convient parce que tu te sens à l'aise. J'adore. C'est très touristique. Mais oui, c'est une carte postale. Mais moi, j'adore les touristes et j'adore surtout le regard qu'ils ont sur Paris. Ouais. J'aime pas spécialement les Parisiens. Hein. C'est parce que les touristes regardent Paris vraiment émerveillé, exactement comme il faut qu'on le regarde. Le côté ludique encore. Oui. C'est toujours le côté ludique. Oui, je pense. Ben, c'est bien. Mm. C'est bien. C'est le regard qu'on peut avoir sur les choses qui est intéressant. Mm. Si tu étais une langue. Une langue? Ah, j'aimerais bien l'hindi. Oui. Parce que je la connais pas. Non, c'est compliqué. Oui. Ouais. Et puis, je suis jamais allée. Je suis jamais allée en Inde. J'en rêve. Et vu l'effet que m'a procuré l'Égyptien quand j'y suis allée, je pense que l'hindi, je sais pas pourquoi, c'est une attirance comme ça. Je trouve ça très beau. Noctambule, je fais des bulles de savon qui se pose sur les paillettes, sur les vestons. Noctambule, j'invente les bulles de cocagne, mais surtout, je bois les bulles du champagne. Je joue ma vie sur un tapis semé d'étoiles. Je déambule de rue en rue, de balle en balle. La nuit, j'envoie plein de messages à l'océan. et un à un, je compte les grains de sable blanc. Noctambule, je fais des bulles de savon qui se posent sur les paillettes, sur les vestons. Noctambule, j'invente les bulles de cocagne, mais surtout je bois les bulles du champagne. La nuit, c'est l'heure où les voleurs parlent d'amour, sur les terrasses, les canapés, sur du velours. La nuit, je fais des bouts d'essais, des entrechats. Pour t'oublier, j'ai tout tenté, ça marche pas. Noctambule, je fais des bulles de savon qui se posent sur les paillettes, sur les pistons. Noctambule, j'invente les bulles de cocagne, mais surtout, je bois les bulles du champagne. Mais surtout, je bois les bulles du champagne. Aimerais-tu faire une chanson dans cette langue? Je sais pas. Faudrait d'abord que j'y aille et après que je vois. Ça doit être difficile de se mettre ça en bouche. Ouais. Surtout quand c'est pas une langue que l'on connaît. Ouais. C'est la prononciation, hein, qui tue. Si tu étais une époque. Si j'étais une époque, j'aimerais bien. J'aimerais bien 1870, j'aimerais bien cette époque où il y a une espèce de d'activité intellectuelle et en même temps populaire et en même temps l'accès, les suffragettes, okay, oui. Tu vois. Ouais, les changements. Les changements qui ont... Exactement. C'est vrai. L'industrialisation, mais... il y a eu beaucoup de belles choses qui ont été faites à cette époque-là, avec beaucoup de poésie encore. Oui. Mm. Si tu étais un aliment... Aimes-tu bien manger, toi? J'aime bien manger. Tu es épicurienne? Oui, mais je mange comme un oiseau. Okay. J'aime bien manger souvent, et pas énormément. Si on reste 4 heures à table, je m'ennuie énormément. Mais j'adore ça. J'aime bien le goût. Mais après, ça peut être très simple aussi. Je pourrais répondre la tomate. La tomate, oui. Surtout quand il fait chaud, quand il fait beau. Oui. La couleur, la saveur, la texture. J'aime bien la tomate. Si tu étais un mot. Un mot? Merci. Toi aussi, hey, on me l'a dit aujourd'hui. C'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est bien. Si tu étais une saison? Le printemps. Ben oui. Ouais. Ça renaît. Oui. On revit, le vert est parfait. Il est, il est brillant. Et ça nous annonce l'été. Il y a des fleurs partout. Et des mini oiseaux, des mini moutons. Tout se réveille. Mm. Si tu étais un membre corporel? Si j'étais un membre corporel, je serais peut-être une oreille. Ben oui, musicale. Ouais. Attentive. Non, mais il paraît qu'il y a un dessin, c'est tout ça parce que je venais de me toucher l'oreille. Ouais. Mais il paraît qu'il y a un bébé qui est dessiné dans notre oreille. Ah oui, ok. Un fœtus. Je trouve ça joli comme idée. Ouais, c'est beau, ouais. Puis le côté un peu instrument de musique. Puis même croustillant. Pavillon, un peu croustillant. Ouais, ouais. C'est vrai. Et puis doux. Un petit portée. Ouais. Si tu étais un moment de la journée. Midi. J'aime bien midi. Souvent, c'est. Tu sais, le matin, je travaille, mais j'aime bien toute seule. Puis midi, j'y vais. Tu te lances. Ouais, je pars dans le monde. Si tu étais un autre individu. Un quoi? Si tu étais un autre individu. Un autre individu. Ah, j'aimerais bien essayer d'être un garçon pour voir. Oui, qui? Ah, ben moi. Ça serait moi en garçon. Toi en garçon, ok. Ouais. Ok. Est-ce que tu séduirais? Si je séduirais? Non, est-ce que tu te séduirais, toi? Oh, je sais pas, parce que tu sais, moi, le rapport que j'ai à la séduction, je trouve que j'explique ça souvent, tu sais, les femmes qui croient qu'elles vont séduire avec de la lingerie, ouais. Ou les hommes qui pensent que gna gna gna. Et je leur dis, écoutez, je pense que quand on essaye de séduire, ça marche pas. Alors essayez d'être déjà vous-même, hein. Et puis tout ce que vous aurez sur le dos, ça vous ira si... Vous vous sentez à l'aise. Exactement. Vive avec ses vêtements. Voilà, ouais. Sinon vous pouvez basculer dans quelque chose. Le vulgaire, en fait, c'est ça, hein. C'est un truc qui ne vous va pas. C'est tout, c'est plus compliqué. Et alors quand on essaye de séduire, c'est totalement insécurisant. Ouais. Alors j'aimerais pas me séduire si j'étais un garçon. Okay. J'aurais pauvre con. Oh, ouais, c'est ça, les blagues, les blagues. Il pleut de l'amour, si ce n'est toujours, car l'ombre est si belle avec mon ombrelle. Il pleut tout le temps, de l'amour souvent, c'est lui qui m'arrose quand tout n'est pas rose. Mon nuage gris, oh je te souris, même si je sais bien que t'as un petit grain. Mon nuage rose, c'est quand tu exploses que trois gouttes de pluie font beaucoup de bruit. Il pleut de l'amour, si ce n'est toujours, car l'ombre est si belle avec mon ombrelle. Il pleut tout le temps, de l'amour souvent, c'est lui qui m'arrose quand tout n'est pas rose. Mon nuage gris, oh je te souris, même si je sais bien que t'as un petit grain. Mon nuage rose, c'est quand tu exploses que trois gouttes de pluie font beaucoup de bruit. Il pleut de l'amour, si ce n'est toujours, car l'ombre est si belle avec mon ombrelle. Il pleut tout le temps, de l'amour souvent, c'est lui qui m'arrose quand tout n'est pas rose. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Oh non, je réfléchirais. Je réfléchirais avant d'agir, peut-être. Parce que là, tu y vas à la pulsion, c'est pour ça? Ouais, c'est fou. Encore aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'essaye de me calmer, mais tu sais, ça, le naturel revient au galop. Hein? Ouais. Alors, j'ai un tempérament comme ça, un peu... s'il y a quelque chose qui résiste, je trouve tout de suite une autre idée. Et c'est pas vraiment se poser, réfléchir, ouais. Réfléchir. J'aimerais y arriver, là. J'aimerais bien... Tu veux que les années, à un moment donné, apportent quelque chose de... Que j'apprenne de moi-même, des bêtises que je fais, tu vois, que j'apprenne. Sinon, à quoi ça sert? En même temps, si tu étais une fille qui fonctionne en pulsion, la pulsion, c'est instinctif, c'est là, c'est direct. Tu réfléchis après, mais pas pendant, il faut que tu sois dans l'action. Oui, mais quelquefois, je réfléchis me dis que c'était une belle connerie. Oui. Mais ça, tu peux pas savoir quand t'es dans l'action. Oui, ben non, ben non. La nuit Paris devient tout gris, un gris sourit et moi aussi. Le moulin rouge sur la place blanche, dans le même sens, tourne toujours. En robe couleur du temps, Paris n'attend pas le printemps. L'hiver est si clair qu'il a part d'un souffle d'air. Mais à l'automne, quand sa robe s'envole, c'est multicolore que son âme se dort. La nuit Paris devient tout gris, un gris sourit et moi aussi. Et quand Eiffel a fait sa tour pour toucher le ciel, c'est par amour. En cherchant l'or du temps, Paris passera l'été. Tout en chuchotant, effaçant le temps passé. Les souvenirs d'un Paris si petit peuvent contenir tout l'amour de la vie. La nuit, Paris devient tout gris. Un gris sourit et moi aussi. Le sacré cœur est dans le tien. Très tendrement, il nous soutient. Ah bah écoute, c'est toujours merveilleux. Alors on va écouter ton plus récent bébé. Et on va attendre celui qui est déjà embryonnaire, mais qui n'est même pas encore inséminé. Hein? Même pas encore dans mon oreille. C'est ça, il n'est pas encore dans ton oreille, encore loin dans ton ventre. Hein? Il est pas loin. Et c'est une histoire à suivre. Okay. Tu me diras à quel moment ce sera présenté et on va faire une autre émission, oui, parce que ça vaut la peine. D'accord. C'est vraiment un petit bijou, cet album. Ben merci. Que t'as sorti. Mais malheureusement, comme bien des disques, ça n'a pas eu la visibilité à cause de la COVID. Ouais. C'est dommage. C'est dommage, mais ce que je compte pour l'aider, c'est faire essayer de faire le maximum de concerts. Veux-tu faire un clip? Ben on a fait un clip sur Éléphant. Ouais. Tu l'as pas encore vu, je crois. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il n'est pas sorti. Ah, c'est pas sur YouTube? Non. Ah. T'as dû voir Mobilette. Ah, parfait. T'as peut-être vu Mobilette sur YouTube. Okay. Et Éléphant, celui qu'on a enregistré avec Philippe. Il va sortir quand? Il va sortir à la rentrée. Okay. Ouais. Alors ça va peut-être repropulser ton disque. Oui. Et puis un concert à la rentrée, oui, puis un autre. Voilà. Est-ce que c'est toi qui choisis tes dates ou c'est un tourneur? Ben pour l'instant, j'ai pas de tourneur. Je rêverais d'avoir un tourneur. Mais donc, c'est pas évident. C'est pas évident, hein. Non. Puis surtout, tu sais, ce genre de chanson, c'est pas tellement classé. Non, c'est hein? vrai. Mais c'est intemporel aussi. Oui. Donc, c'est inclassable. Voilà. C'est pour ça que les gens viennent le voir. Hein? Voir ce qui différencie la chanson traditionnelle. Et c'est la chanson du cœur. Merci beaucoup. Merci. C'est bien. Toujours merveilleux de te rencontrer. Je trouve que t'es pétillante comme le champagne, même si t'aimes pas le champagne, alors tu es vraiment comme le houblon. Aussi pétillante que le houblon. À l'air voyeux. Oui. Salut. Au revoir. Oh, c'est le zut, car aujourd'hui il flotte. Ça m'empêchera pas de mettre mon tout petit mini short. Oh, c'est tant mieux, car je vais mettre mes bottes pour aller me promener, voir à quoi cette journée pourra-t-elle m'emmener. J'ai croisé un homme au cigare, il avait des bleus et des bosses, mais il avait l'air très heureux. Très heureux d'avoir des cheveux. Oh, c'est le zut, car mon voisin zozote. Ça l'empêche de me dire que ça crache une aide. Alors je l'ai réchauffé de mes pensées et nous sommes descendus voir à quoi cette journée pourrait bien ressembler. On a vu un touriste triste, car il n'avait pas de chapeau. Il serait bien rentré chez lui, car il grelottait beaucoup trop. J'ai lu dans mon horoscope ce que je croyais un scoop, mais qui n'était finalement que